David Copperfield, chapitre 30. Une perte. J'arrivais le soir à Yarmouth et j'allais à l'auberge. Je savais que la chambre de réserve de Peggotty, ma chambre, devait être bientôt occupée par un autre, si ce grand visiteur à qui tous les vivants doivent faire place n'était pas déjà arrivé dans la maison. Je me rendis donc à l'hôtel pour y dîner et pour y retenir un lit. Il était 10 heures du soir quand je sortis. La plupart des boutiques étaient fermées et la ville était triste. Lorsque j'arrivais devant la maison d'Homer et Joram, les volets étaient déjà fermés, mais la porte de la boutique était encore ouverte. Comme j'apercevais, dans le lointain, Monsieur Homer qui fumait sa pipe près de la porte de l'arrière-boutique, j'entrais et lui demandais comment il se portait. « Sur mon âme, est-ce bien vous ?» dit Monsieur Homer. « Comment allez-vous ? Prenez un siège. La fumée ne vous incommode pas, j'espère. » « Pas du tout. Au contraire, je l'aime dans la pipe d'un autre. »« Pas dans la vôtre ?» dit Monsieur Homer en riant. « Tant mieux, monsieur. Mauvaise habitude pour les jeunes gens. Asseyez-vous. Moi, si je fume, c'est à cause de mon asthme. » Monsieur Homer m'avait fait de la place et avait avancé une chaise pour moi. Il se rassit tout hors d'haleine, aspirant la fumée de sa pipe, comme s'il espérait y trouver le souffle nécessaire à son existence. « Je suis bien fâché des mauvaises nouvelles qu'on m'a données de M. Barkis, » lui dis-je. M. Homer me regarda d'un air grave et secoua la tête. « Savez-vous comment il va ce soir ?» lui demandai-je. « C'est précisément la question que je vous aurais faite, monsieur, » dit M. Homer, sans un sentiment de délicatesse. C'est un des désagréments de notre état. Quand il y a quelqu'un de malade, nous ne pouvons pas décemment demander comment il se porte. C'est une difficulté que je n'avais pas prévue. J'avais eu peur seulement en entrant d'entendre encore une fois l'ancien toc-toc. Cependant, puisque M. Homer avait touché cette corde, je ne pouvais m'empêcher d'approuver sa délicatesse. « Oui, oui, vous comprenez, » dit M. Homer avec un signe de tête. « Nous n'osons pas. Voyez-vous, ce serait un coup dont bien des gens ne se remettraient pas s'ils entendaient dire « Homer et Joram vont faire leurs compliments et désirent savoir comment vous vous trouvez ce matin ou cet après-midi, selon l'occasion. » Nous échangeâmes un signe de tête, M. Homer et moi, et il reprit haleine à l'aide de sa pipe. « C'est une des choses du métier qui nous interdisent bien des attentions. » qu'on serait souvent bien aise d'avoir, dit M. Homer. Voyez-moi, par exemple, si depuis 40 ans que je connais Barkis, je ne me suis pas dérangée pour lui chaque fois qu'il passait devant ma porte, autant dire que je ne l'ai jamais connu. Eh bien, avec tout cela, je ne puis pas aller chez lui demander comment il va. Je convins avec M. Homer que c'était bien désagréable. Je ne suis pas plus intéressée qu'un autre, dit M. Homer. Regardez-moi, le souffle me manquera un de ces jours, et il n'est pas probable que je sois bien intéressé, ce qui me semble, dans la situation où je suis. Je dis que ce n'est pas probable quand il s'agit d'un homme qui sait que le souffle lui manquera au premier jour, comme un vieux soufflet crevé, surtout quand cet homme est grand-père, dit M. Homer. Ce n'est pas du tout probable, lui dis-je. « Ce n'est pas non plus que je me plaigne de mon métier, » dit M. Homer. « Chaque état a son bon et son mauvais côté, on sait bien cela. Tout ce que je demanderais, c'est qu'on élevât les gens de manière à ce qu'ils eussent l'esprit un peu plus fort. » M. Homer fuma un instant en silence, avec un air de bonté et de complaisance. Puis il dit, en revenant à son premier point, « Nous sommes donc obligés de nous contenter d'apprendre des nouvelles de Barkis par Émilie. Elle sait notre véritable intention et elle n'a pas plus de scrupules et de soupçons à cet égard que si nous étions de vrais agneaux. Minnie et Joram viennent d'aller chez Barkis, où elle se rend dès que l'heure du travail est finie pour aider un peu sa tante. Ils y sont allés pour lui demander des nouvelles du pauvre homme. Si vous vouliez attendre leur retour, ils vous donneraient tous les renseignements. Voulez-vous prendre quelque chose? Un grog au rhum? Voulez-vous faire comme moi? Car c'est toujours ce que je bois en fumant, dit Monsieur Homer en prenant son verre. On dit que c'est bon pour la gorge et que cela facilite cette malheureuse respiration. Mais voyez-vous, dit Monsieur Homer d'une voix enrouée, ce n'est pas le passage qui est en mauvais état. C'est ce que je dis toujours à Minnie. Donne-moi le souffle, ma fille, et je me charge de lui trouver un passage, ma chère. Il avait vraiment la laine si courte qu'il était très inquiétant à voir rire. Quand il eut recouvré la parole, je le remerciais des rafraîchissements qu'il venait de m'offrir et que je refusais, en disant que je sortais de table, mais j'ajoutais que, puisqu'il voulait bien m'y inviter, j'attendrais le retour de son gendre et de sa fille, puis je demandais des nouvelles de la petite Émilie. « À vous dire vrai, monsieur, » dit Monsieur Homer en quittant sa pipe, afin de pouvoir se frotter le menton, « je serai bien aise quand le mariage sera fait. »« Et pourquoi cela ?» demandai-je. « Voyez-vous, elle est sans dessus dessous pour le moment, » dit Monsieur Homer. « Ce n'est pas qu'elle ne soit pas aussi jolie qu'autrefois, bien au contraire, je vous assure qu'elle est plus jolie que jamais. Ce n'est pas qu'elle ne travaille pas aussi bien qu'autrefois, bien au contraire, elle valait 6 ouvrières et elle les vaut encore aujourd'hui. Mais elle manque d'entrain. « Vous savez ce que je veux dire ?» continua Monsieur Homer en fumant un peu, puis en se frottant après le menton. « Allons, hardi ! Là, mes gaillards, un bon coup de rame. Là, encore un bon coup, hurrah ! Voilà ce que j'appelle de l'entrain. Eh bien, je vous dirais que c'est là, d'une manière générale, ce qui manque chez Émilie. » La figure et les manières de Monsieur Homer en disaient tant que je pus en conscience lui faire un signe de tête pour exprimer que je le comprenais. La vivacité de mon intelligence parut lui plaire, et il reprit « Voyez-vous, je crois que cela vient surtout de ce qu'elle est entre le ziste et le zeste. J'ai souvent causé de la chose avec son oncle et son fiancé le soir, quand on n'a plus rien à faire. Et cela doit venir, selon moi, de ce que tout n'est pas encore fini. Vous n'avez pas oublié, dit Monsieur Homer en hochant doucement la tête, qu'Émilie est une petite créature extrêmement affectueuse. Le proverbe dit qu'on ne peut faire une bourse de soie avec l'oreille d'une truie. Eh bien, moi, je ne sais pas. Je crois qu'on le peut. Il ne s'agit que de s'y prendre de bonne heure. Savez-vous qu'elle a fait de ce vieux bateau un logis qui vaut mieux qu'un palais de pierre ou de marbre? Je vous crois. C'est touchant de voir cette jolie fille se serrer près de son oncle, dit Monsieur Homer, de voir comme elle se rapproche de lui tous les jours de plus en plus. Mais voyez-vous, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a combat. Et pourquoi le prolonger inutilement? J'écoutais attentivement le bon vieillard en approuvant de tout mon cœur ce qu'il disait. C'est pour cela que je leur ai dit ceci, continua Monsieur Homer d'un ton simple et plein de bonhomie. Ne regardez pas du tout l'apprentissage d'Émilie comme un engagement qui vous gêne. Je laisse ça à votre discrétion. Ses services m'ont plus rapporté que je ne m'y attendais. Elle a appris plus vite qu'on ne devait l'espérer. Homer et Joram peuvent passer un trait de plume sur le reste du temps convenu, et elle sera libre le jour où cela vous conviendra. Si après cela, elle veut s'arranger avec vous pour nous faire quelque ouvrage, chez elle, en dédommagement, très bien. Si cela ne lui convient pas, très bien encore. De toute manière, elle ne nous fait pas de tort, car voyez-vous, dit Monsieur Homer en me touchant avec le bout de sa pipe, il n'est guère probable qu'un homme poussif comme moi et grand-père par-dessus le marché aille serrer le bouton à une belle petite rose aux yeux bleus comme elle. Non, non, ce n'est pas probable, le moins du monde, on le sait bien, lui dis-je. Non, non, vous avez raison, dit Monsieur Homer. Eh bien, monsieur, son cousin. Vous savez que c'est son cousin qu'elle va épouser. « Oh oui, » répliquai-je, « je le connais bien. »« Cela va sans dire, reprit M. Homer. Eh bien, monsieur, son cousin, qui est dans une bonne passe et qui a beaucoup d'ouvrages, après m'avoir remercié cordialement, et je dois dire que sa conduite dans toute cette affaire m'a donné la meilleure opinion de lui. Son cousin a loué la petite maison la plus confortable qu'on puisse imaginer. Cette petite maison est toute meublée depuis le haut jusqu'en bas. Elle est arrangée comme le salon d'une poupée. Et je crois bien que si la maladie de ce pauvre Barkis n'avait pas si mal tourné, il serait mari et femme à l'heure qu'il est. Mais cela a apporté du retard. « Et Émilie, monsieur Homer, demandai-je, est-elle devenue un peu plus calme ?»« Ah, quant à cela, voyez-vous, dit monsieur Homer en frottant son double menton, on ne pouvait pas s'y attendre. La perspective du changement et de la séparation qui s'approche d'une part et qui semble s'éloigner de l'autre ne sont pas faits pour la fixer. La mort de Barkis n'amènera pas un grand retard, mais s'il traînait... En tout cas, c'est une situation très équivoque, comme vous voyez. Oui, je vois. En conséquence, dit M. Homer, Émilie est toujours un peu abattue, un peu agitée, peut-être même l'est-elle plus que jamais. Elle semble tous les jours aimer plus tendrement son oncle et regretter plus vivement de se séparer de nous tous. Un mot de bonté de ma part lui fait venir les larmes aux yeux, et si vous la voyez avec la petite fille de Minnie, vous ne l'oublieriez jamais. « C'est extraordinaire, » dit M. Homer d'un air de réflexion, « comme elle aime cet enfant. » L'occasion me parut favorable pour demander à M. Homer, avant que sa fille et son gendre vinssent nous interrompre, s'il savait quelque chose de Marthe. « Ah !» dit-il en secouant la tête d'un air profondément abattu. « Rien de bon. C'est une triste histoire, monsieur, de quelque manière qu'on la retourne. Je n'ai jamais cru que cette pauvre fille fût corrompue. Je ne voudrais pas le dire devant ma fille Minnie, elle se fâcherait. Mais je ne l'ai jamais cru. Personne de nous ne l'a jamais cru. » Monsieur Homer entendit le pas de sa fille que je n'avais pas encore distinguée et me toucha avec le bout de sa pipe en fermant un œil, par forme d'avertissement. Elle entra presque aussitôt avec son mari. Il rapportait la nouvelle que Monsieur Barkis était au plus mal, qu'il n'avait plus sa connaissance et que Monsieur Schillip avait dit tristement dans la cuisine en s'en allant, il n'y avait pas plus de 5 minutes, que toute l'école de médecine, l'école de chirurgie et l'école de pharmacie réunies ne pourraient pas le tirer d'affaire. « D'abord, les médecins et les chirurgiens n'y pouvaient plus rien, » avait dit M. Schillip, « et tout ce que les pharmaciens pouvaient faire, ce serait de l'empoisonner. » À cette nouvelle et sur l'avis que M. Peggotty était chez sa sœur, je pris le parti de m'y rendre tout de suite. Je dis bonsoir à M. Homer et à M. et Mistress Joram et je pris le chemin de la maison de Peggotty avec une sympathie sérieuse pour M. Barkis qui le transformait complètement à mes yeux. Je frappai doucement à la porte. M. Peggotty vint m'ouvrir. Il ne fut pas aussi étonné de me voir que je m'y attendais. Je fis la même remarque pour Peggotty quand elle descendit et c'est une observation que j'ai été depuis bien souvent à même de répéter, c'est que dans l'attente de cette terrible surprise, tout autre changement et toute autre surprise paraissent comme rien. Je serrai la main de M. Peggotty et j'entrai dans la cuisine pendant qu'il fermait doucement la porte. La petite Émilie, la tête dans ses mains, était assise auprès du feu. Ham était debout à côté d'elle. Nous parlions tout bas en écoutant de temps en temps si on n'entendait pas du bruit dans la chambre dessus. Je n'y avais pas pensé lors de ma dernière visite, mais comme il me paraissait étrange cette fois de ne pas voir M. Barkis dans la cuisine. « Vous êtes bien bon d'être venu, M. David, » me dit M. Peggotty. « Ah oui, bien bon, » dit Ham. « Émilie, » dit M. Peggotty, « voyez, ma chérie, voilà M. David. » « Allons, courage, mon amour. Vous ne dites pas un mot à Monsieur David. » Elle tremblait de tous ses membres. Je la vois encore. Sa main était glacée quand je la touchais. Je la sens encore. Elle ne fit d'autre mouvement que de la retirer, puis elle se laissa glisser de sa chaise et s'approchant doucement de son oncle, elle se pencha sur son sein sans rien dire et tremblant toujours. « C'est un si bon petit cœur, » dit M. Peggotty en lissant ses beaux cheveux avec sa grosse main calleuse, « qu'elle ne peut supporter ce chagrin. C'est bien naturel. Les jeunes gens, M. David, ne sont pas habitués à ce genre d'épreuves. » Et si timide comme le petit oiseau que voilà, c'est tout naturel. » Elle se serra contre son sein, mais sans dire un mot et sans relever la tête. « Il est tard, ma chérie, » dit M. Peggotty, « et voilà âme qui vous attend pour vous ramener à la maison. Allons, partez avec lui, c'est un bon cœur aussi. » « Quoi, Emily ? Que dites-vous, mon amour ?» Le son de sa voix n'était pas arrivé à mes oreilles. Mais il baissa la tête comme pour l'écouter, puis il dit « Vous voulez rester avec votre oncle ? Allons donc, vous n'y pensez pas. Restez avec votre oncle, ma chatte, quand celui qui va être votre mari dans quelques jours est là pour vous ramener à la maison. Eh bien, on ne le croirait pas en voyant cette petite fille à côté d'un vieux grognard comme moi, » dit M. Peggotty en nous regardant tous les deux avec un orgueil infini. Mais la mer ne contient pas plus de sel que le cœur de ma petite Émilie ne contient de tendresse pour son oncle, petite folle. Émilie a bien raison, monsieur David, dit Ham. Voyez-vous, puisqu'Émilie le désire, et que je vois bien qu'elle est agitée et un peu effrayée, je la laisserai ici jusqu'à demain matin. Permettez-moi seulement de rester aussi. Mais non, non, non, dit monsieur Peggotty. Vous ne pouvez pas, vous qui êtes marié, ou tout comme, perdre un jour de travail. Et vous ne pouvez pas non plus veiller cette nuit et travailler demain. Cela ne se peut pas. Retournez à la maison. Est-ce que vous avez peur que nous n'ayons pas soin d'Émilie ? Ham céda à ses raisons et prit son chapeau pour se retirer. Même au moment où il l'embrassa, et je ne le voyais jamais s'approcher d'elle sans penser que la nature lui avait donné le cœur d'un gentleman, elle semblait se serrer de plus en plus contre son oncle, évitant presque son fiancé. Je fermai la porte derrière lui afin de ne pas troubler le silence qui régnait dans la maison, et en me retournant, je vis que M. Peggotty parlait encore à sa nièce. « Maintenant, » dit-il, « je vais monter dire à votre tante que M. David est là. Cela lui fera du bien. Asseyez-vous près du feu pendant ce temps-là, ma chérie, et chauffez vos mains, elles sont froides comme de la glace. Est-ce que vous avez donc à avoir peur et à vous agiter comme cela ? Quoi ? Vous voulez venir avec moi ? Eh bien, venez, allons. » Si son oncle était chassé de sa maison et obligé de coucher sur une digue, M. David, dit M. Peggotty, avec le même orgueil qu'un moment auparavant, je crois vraiment qu'elle voudrait l'accompagner. Mais je vais être bientôt supplantée par un autre, n'est-ce pas, Émilie ? En montant, un moment après, il me sembla, lorsque je passais près de la porte de ma petite chambre, qui était plongée dans l'obscurité, que j'y apercevais Émilie étendue sur le plancher. Mais je ne sais pas à l'heure qu'il est, si c'était elle ou si ce n'était pas une illusion des ombres qui confondait tout à ma vue dans les ténèbres de ma chambre. J'eus le loisir de réfléchir devant le feu de la cuisine à la terreur de la mort qu'éprouvait la jolie petite Émilie, et je crus que c'était là, avec les autres raisons que m'avait données M. Homer, la cause du changement qui s'était opéré en elle. J'eus le loisir, avant de voir paraître Peggotty, de penser avec plus d'indulgence à cette faiblesse, tout en comptant les battements du balancier de l'horloge et en ressentant de plus en plus la solennité du silence profond qui régnait autour de moi. Peggotty me serra dans ses bras et me remercia mille et mille fois d'être venu la consoler ainsi dans ses chagrins. Ce furent ses propres paroles. Elle me pria ensuite de monter avec elle et me dit en sanglotant que M. Barkis m'aimait toujours, qu'il lui avait souvent parlé de moi avant de perdre connaissance et que dans le cas où il reviendrait à lui, elle était sûre que ma présence lui ferait plaisir s'il pouvait encore prendre plaisir à quelque chose dans ce monde. C'était une chose bien invraisemblable à ce qu'il me parut quand je le vis. Il était couché avec la tête et les épaules hors du lit, dans une position très incommode, à demi appuyé sur le coffre qui lui avait coûté tant de peine et de soucis. J'appris que lorsqu'il n'avait plus été capable de se traîner hors du lit pour l'ouvrir ni de s'assurer qu'il était là au moyen de la baguette divinatoire dont je lui avais vu faire usage, il l'avait placé sur une chaise à côté de son lit où il le tenait dans ses bras nuit et jour. Il s'y appuyait en ce moment même. Le temps et la vie lui échappaient, mais il tenait encore son coffre. Et les dernières paroles qu'il avait prononcées pour écarter les soupçons, c'était « Tes vieux habits ». « Barkis, mon ami, » dit Peggotty, d'un ton qu'elle tâchait de rendre enjoué en se penchant sur lui, pendant que son frère et moi nous nous tenions au pied du lit. « Voilà mon cher enfant, mon cher monsieur David, qui a servi d'intermédiaire à notre mariage, celui par qui vous m'envoyez vos messages. » Vous savez bien, voulez-vous parler à monsieur David ? Il était muet et sans connaissance, comme le coffre qui donnait seul quelque expression à sa physionomie par le soin jaloux avec lequel on voyait qu'il le serrait. Il s'en va avec la marée, me dit monsieur Peggotty en mettant la main devant sa bouche. Mes yeux étaient humides, et ceux de monsieur Peggotty aussi, mais je répétais à voix basse, « Avec la marée ?»« On ne peut pas mourir sur les côtes, » dit M. Peggotty, « qu'à la marée basse. On ne peut, au contraire, venir au monde qu'à la marée montante. Et on est décidément de ce monde qu'en pleine marée. Eh bien, lui, il s'en va avec la marée. Elle se rabasse à 3h30 et ne recommencera à monter qu'une demi-heure après. S'il vit jusqu'à ce que la mer recommence à monter, il ne rendra pas encore l'esprit avant que nous soyons en pleine marée, et il ne s'en ira qu'à la marée basse prochaine. » Nous restions là à le regarder. Le temps s'écoulait, les heures passaient. Je ne puis dire quelle mystérieuse influence ma présence exerçait sur lui, mais quand il commença enfin à murmurer quelques mots dans son délire, il parlait de me conduire à la pension. Il revient à lui, dit Peggotty. Monsieur Peggotty me toucha le bras en me disant tout bas d'un air convaincu et respectueux, « Voilà la marée qui baisse, il s'en va. »« Barkis, mon ami, » dit Peggotty. « C'est P. Barkis, » cria-t-il d'une voix débile, « la meilleure femme qu'il y ait au monde. »« Voyez, voilà monsieur David, » dit Peggotty, car il ouvrait les yeux. J'allais lui demander s'il me reconnaissait quand il fit un effort pour étendre son bras et me dit distinctement et avec un doux sourire « Barkis veut bien ». La mer était basse, il s'en alla avec la marée. Fin du premier volume.